Nat Pinkerton, une traversée mouvementée. Chapitre 1er, un drame à bord. Le paquebot géant celtique, véritable palais flottant, muni de tous les raffinements du luxe et du confort moderne, et construit tout récemment par une des plus grandes compagnies de navigation anglaise, achevait la traversée de Londres aux États-Unis et se dirigeait à toute vapeur vers New York. La matinée du lendemain matin devait marquer le terme du voyage. Aussi, ce soir-là, y avait-il, ainsi qu'il est d'usage à bord des transatlantiques, grand bal pour les passagers de première et de seconde classe. L'arrière du pont était brillamment illuminé. Un triple cordon de lanternes vénitiennes multicolores entourait l'espace libre, où au son d'un orchestre entraînant, danseurs et danseuses tournoyaient éperdument. La joie, l'allégresse se peignaient sur tous les visages. Plus d'un, cependant, ne pouvait se défendre d'un certain sentiment de mélancolie, à la pensée que cette traversée, si agréable, allait prendre fin. Rien de plus délicieux, en effet, que la vie à bord d'un grand paquebot. On oublie pour quelques jours tous les soucis. Libre à chacun de s'abandonner à une douce rêverie, à laquelle incite forcément l'existence oisive que l'on mène à bord. Au bout de quelques jours, on se prend d'affection pour le navire lui-même, et c'est à regret que l'on s'en sépare quand le moment est venu. Un passager non averti qui se fut risqué sur le pont promenoir de première classe du Celtic eût pu croire de bonne foi qu'il s'était trompé et qu'il était tombé au milieu d'une cour princière. Commodément installée dans un fauteuil confortable, une jeune femme d'une merveilleuse beauté était entourée d'un cercle nombreux d'admirateurs. Mrs. Hortense Nesbit, femme d'un millionnaire new-yorkais, revenait d'un voyage en Europe. Elle était, nous l'avons dit, d'une rare beauté. Une abondante chevelure blonde entourait son front, sa peau était blanche comme du lait, et une charmante rougeur colorait ses joues. Deux grands yeux bleus, au regard limpide et profond, complétaient cet ensemble ravissant. Une toilette de soie gris foncé, qui lui seyait à ravir, faisait encore mieux ressortir la grâce et la beauté de la jeune femme. Elle portait en outre de magnifiques bijoux, un collier de grosses perles, un bracelet orné de brillants, dont ses cheveux étincelaient un diadème de perles. Autour d'elle se pressait une cour nombreuse et fidèle d'amis et de connaissances de vieille date. Il y avait en outre quelques messieurs qui avaient fait sa connaissance à bord du Celtic. Mrs. Nesbit était venue en Europe quelques mois auparavant, accompagnée de son mari. Leur intention était de faire un long séjour à Paris, puis à la Riviera. Malheureusement, ces beaux projets ne purent se réaliser car la jeune femme tomba bientôt gravement malade d'une fluxion de poitrine. Son mari, que des affaires importantes rappelaient à New York, dut se résigner, quoi qu'il lui en coûtait, à la laisser à Monaco entre les mains des médecins et à reprendre tout seul le chemin de l'Amérique. Grâce à sa robuste constitution, Mrs. Nesbit finit par se rétablir et elle rentrait à son tour dans son pays natal. Si bien remise qu'elle fût, elle ne se sentait cependant pas encore assez forte pour prendre part au bal. C'est pour ce motif qu'elle avait préféré s'isoler. Depuis le départ de Londres, Hortense Nesbit était le centre de la petite société très fermée que forment généralement sur les paquebots les passagers de première classe. Elle recevait avec une indifférence tranquille, comme un tribut dû à sa beauté, les hommages qui montaient jusqu'à elle. En ce moment, elle s'entretenait avec quelques messieurs, et elle leur exprimait très franchement toute la joie qu'elle éprouvait à rentrer guérie dans son pays et à retrouver son mari qui l'attendait avec une impatience bien naturelle. Elle se leva pour regagner sa cabine, bien avant que le bal fût achevé. Tous l'imitèrent et tinrent à lui faire escorte jusqu'à sa porte. Là, on lui souhaita une bonne nuit. Elle remercia avec un gracieux sourire tout en assurant qu'elle dormirait probablement fort mal, tant étant grande sa joie et son impatience. Puis elle entra dans ses appartements qui se composaient d'un salon, d'une chambre à coucher et d'un cabinet de toilette. Les trois pièces étaient meublées et décorées avec un luxe princier. Une accourte soubrette l'attendait et aida sa maîtresse à faire sa toilette de nuit. « Surtout n'oublie pas de m'éveiller, dès que 6 heures auront sonné, » recommanda-t-elle encore une fois. « Je tiens à être debout quand nous arriverons dans le port. » La domestique se retira, et la jeune femme s'allongea dans son lit avec une profonde sensation de bien-être. Cependant, chose singulière, Elle était agitée, nerveuse, sans savoir au juste pourquoi. Sans doute était-ce parce que la traversée s'achevait et que le lendemain, elle reverrait enfin son époux. Pourtant, cette perspective aurait dû lui remplir le cœur de joie. Pourquoi donc était-elle inquiète, comme si elle avait peur de quelque chose? Elle se moqua d'elle-même, se traitant de folle. Après une traversée si heureuse, que n'avait pas marqué le moindre incident, que pouvait-il lui advenir? Elle n'était pas le moins du monde superstitieuse et n'avait jamais cru aux pressentiments. Néanmoins, elle ne pouvait bannir de son cœur la sourde angoisse à laquelle elle était en proie. Au bout d'un temps assez long, elle se décida enfin à tourner le commutateur et à éteindre la lumière électrique qui était au-dessus de son lit. Elle avait l'habitude de dormir dans l'obscurité et elle savait que tant que sa lampe resterait allumée, elle ne pourrait trouver le sommeil. Elle ferma les yeux et s'efforça de demeurer immobile pour s'endormir au plus vite, sans quoi cette nuit d'attente lui parut interminable. Bientôt elle s'assoupit et elle ne s'aperçut pas que la porte de son cabinet de toilette s'ouvrait tout doucement. Une forme humaine entra dans sa chambre et s'avança vers son lit, sans faire plus de bruit qu'un chat qui marche sur un tapis. Un instant après, un objet dont elle ne put distinguer la nature vint s'appliquer sur son visage. Sentant que la respiration lui manquait soudain, elle essaya de se soulever. Mais ce mouvement tout machinal ne fut suivi d'aucun autre. Elle venait de retomber sur son lit sans connaissance. Cette fois, elle dormait, mais c'était sous l'action d'un stupéfiant, du chloroforme, probablement. 6 heures venaient de sonner quand la soubrette, fidèle à la consigne donnée, vint frapper à la porte de la chambre à coucher de Mrs. Nesbit. D'habitude, la jeune femme s'éveillait au premier appel et y répondait aussitôt. Mais ce jour-là, elle ne donna pas signe de vie. Inquiète, Mary, c'était le nom de la domestique, frappa plus fort en appelant sa maîtresse à haute voix, mais elle ne reçut point de réponse. À tout hasard, elle tourna le bouton de la porte et sa frayeur s'accrut quand elle constata que la chambre était ouverte, alors que chaque soir, Mrs. Nesbit tirait soigneusement le verrou. Elle fit quelques pas et fut tout d'abord frappée de sentir une odeur pénétrante dont l'atmosphère était toute imprégnée. Elle courut vers le lit. Sa maîtresse était étendue sans mouvement et elle ne remua pas davantage quand la jeune fille lui toucha le bras et l'appela par son nom. Cette fois, Mary frissonna des pieds à la tête. Plus de doute, il s'était passé quelque drame effroyable. Elle se précipita hors de la cabine pour donner l'alarme et aller prévenir le commandant. Celui-ci accourut suivi d'un des médecins. Avec la rapidité de l'éclair, la nouvelle se répandit à bord qu'un attentat avait été commis, et l'émotion fut bientôt à son comble parmi les passagers qui déjà étaient presque tous levés et rassemblés sur le pont, attendant avec impatience que le paquebot entrât dans le port. Le médecin constata immédiatement que Mrs. Nesbit était encore en vie. Elle ne portait même aucune blessure apparente. Elle avait été simplement endormie à l'aide d'un anesthésique puissant, du chloroforme, vraisemblablement. On parvint non sans peine à la réveiller. Elle reprit peu à peu ses sens, et en même temps la mémoire des événements de la nuit lui revint. Elle se mit d'abord à trembler au souvenir du terrible danger qu'elle avait couru. Elle se calma cependant peu à peu, mais elle n'était pas au bout de ses émotions. Il restait encore à savoir pourquoi cet inconnu s'était introduit dans sa cabine. Hélas, elle ne tarda pas à être fixée sur ce point. Tous ses bijoux, dont elle était si fière et dont, la veille au soir encore, elle portait sur elle les plus beaux et les plus précieux, avaient disparu. Sa bourse en argent et un petit portefeuille bourré de billets de banque qu'elle avait mis sous son oreiller étaient vides de leur contenu. Le voleur avait fait un abondant butin. D'un seul coup, il avait fait main basse sur une vraie fortune. Ce n'était d'ailleurs pas le premier fait de ce genre qui se produisait depuis le départ d'Angleterre. Un vol sensationnel avait déjà eu lieu, plusieurs jours auparavant, à bord du Celtic. Une riche étrangère, une Hollandaise, la comtesse de Ribach, avait constaté un beau matin la disparition d'un écrin contenant plusieurs bracelets et une broche de grand prix. Jusqu'à cette heure, il avait été impossible de découvrir le voleur. On sait qu'il y a toujours à bord des grands transatlantiques des détectives et des agents de la sûreté chargés de veiller à la sécurité des passagers et de les défendre contre les entreprises des individus plus ou moins sujets à caution qui se glissent trop souvent à bord. Malgré tous leurs efforts, le voleur était demeuré introuvable. Ce second attentat venait encore compliquer le mystère et le rendre plus obscur. Comment retrouver le voleur de Mrs. Nesbit puisqu'il n'avait laissé d'autres traces de son passage dans la cabine que cette odeur caractéristique de chloroforme? La jeune fille ne put d'ailleurs fournir aucun renseignement, si ce n'est qu'on l'avait endormie à l'aide d'un anesthésique. Elle n'avait pas vu le coupable, puisque la cabine était plongée dans l'obscurité, il lui fut donc impossible de donner son signalement. Dans ces conditions, la police était désarmée. De quel côté eût-elle pu diriger ses recherches? Le commandant Calvin assura néanmoins que le coupable était certainement un passager. Il connaissait tout son personnel et il affirmait que ni dans l'équipage, ni parmi les gens de service, il n'y avait de voleurs. Du steward jusqu'au dernier des soutiers, tous avaient fait sous ses ordres plusieurs traversées et jamais le moindre incident ne s'était produit. D'ailleurs, le vol avait été accompli avec une audace et une habileté qui décelaient un professionnel et qu'on ne pouvait attendre de ces natures simples et frustes. Bien entendu, les détectives qui étaient à bord firent largement leur devoir et ils prirent tous les mesures indiquées en pareille circonstance. Quoique le paquebot eût déjà accosté le débarcadère de Hoboken, ils s'opposèrent formellement à ce que personne quittât le Celtic. La police de New York vint à bord et procéda aux perquisitions les plus minutieuses. On interrogea tous les passagers de première comme de seconde classe. Il fallut bien se résoudre, bon gré mal gré, à les autoriser enfin à quitter le navire. Nul indice, en effet, ne permit de soupçonner qu'aucun d'eux se fût rendu coupable du vol dont Mrs. Nesbit avait été victime. Quant à visiter à fond les bagages et les colis de ces centaines de voyageurs, il n'y fallait pas songer. On se borna à ouvrir, à peu près au hasard, les malles de quelques passagers dont les explications avaient paru moins claires et moins satisfaisantes, mais sans aucun résultat. Les passagers d'entrepont furent traités avec moins de ménagement. Conformément au règlement, ils furent débarqués à Ellis Island. Il y a là un grand bâtiment où l'on fait stationner les émigrants avant de les autoriser à pénétrer librement aux États-Unis. Il faut pour cela toute une complication de formalités, d'enquêtes et d'interrogatoires qui, déjà en temps ordinaire, rendent le séjour de cette île rien moins qu'agréable. Qu'on juge de la mauvaise humeur des émigrants du Celtic devant le redoublement de rigueur dont on fit preuve à leur égard. Chacun d'eux dut laisser fouiller ses bagages de fond en comble. Il était possible en effet que le voleur mystérieux fut un de ces voyageurs peu fortunés qui, à la faveur de l'obscurité, se seraient glissés dans les cabines de première classe. Mais on ne trouva rien, et les autorités ne purent qu'informer la comtesse de Ribar, descendue à l'hôtel Astor, ainsi que Mrs. James Nesbit, que les recherches étaient demeurées infructueuses. On peut s'imaginer quels furent les sentiments qu'éprouva Mr. Nesbit, venu en auto sur le quai pour amener sa femme chez elle, quand il apprit ce qui s'était passé. Quant à Mrs. Nesbit, si elle regrettait si vivement ses bijoux, ce n'était pas tant à cause de leur valeur qu'à cause de leur origine. Tous, en effet, étaient des cadeaux de son mari qu'elle aimait plus que tout au monde. La plupart lui avaient été donnés à l'époque de ses fiançailles, et à ce titre, ils lui étaient doublement chers. Aussi se montrait-elle absolument désespérée, ne voulant pas même écouter les consolations que son mari s'efforçait de lui prodiguer. James Nesbit fit paraître dans les journaux un avis par lequel il s'engagea à verser une prime considérable à celui qui lui rapporterait les bijoux. La nouvelle du vol sensationnel commis sur le Celtic s'était répandue dans tout New York avec la rapidité de l'éclair. Bientôt on sut partout que le grand banquier avait promis une somme énorme à celui, quel qu'il fût, qui lui ferait retrouver les bijoux dérobés à sa femme. Les joailliers, bijoutiers et marchands d'antiquités reçurent le signalement exact des objets volés. Rien n'y fit, malgré les recherches les plus minutieuses, le mystère demeura entier et le voleur introuvable. Le Celtic avait amené d'Angleterre près de 1200 passagers. La police examina avec la plus grande attention les listes du bord. Elle n'y découvrit aucun nom suspect. James Nesbit, voyant que sa jeune femme n'arrivait pas à se consoler de sa mésaventure, doubla la prime promise. Il espérait vaguement que le voleur, séduit par l'appât d'une somme considérable, trouveraient plus avantageux de restituer les bijoux à leurs légitimes propriétaires que d'essayer de les vendre à un intermédiaire, ce qui d'ailleurs n'était pas sans présenter pour lui de sérieux dangers. Mais cet espoir fut également déçu. De déception en déception, tout le monde avait perdu confiance, et l'on était à peu près convaincu que ce qu'on appelait déjà le mystère du Celtique ne serait jamais éclairci.